Bonjour à tous! Oh, elle y dit pas bonjour aujourd'hui? Ah non, il n'a pas envie de faire le podcast, il veut pas travailler avec Il nous. fait Il fait la tronche? C'est pas pro ça de faire la tronche. Bon, on va faire sans Ellie alors. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qu'on interviewe? Parlez. copain. Quel copain? Milan. Et qui est-ce qui a participé à l'interview aussi? Sa petite sœur, Luna. Bon, on les écoute? Oui, on les écoute. Bonjour Milan! Oui. Bah, nous, elle va comment ça va? En fait, ce matin, nous, elle a fait le feu. Milan! Tu vas bien? Toi, ça va? Ouais. À quelle heure tu te réveilles? Tu fais quoi de tes journées? Le soir, j'ai fait un peu la Wii. Que t'as un grand frère? C'est Milan le grand frère, c'est lui le grand, il a un petit frère. Ta petite sœur, elle s'appelle comment? Tu joues avec Luna? Oui. Est-ce que des fois tu joues dehors? Oui, des fois je joue dehors. Aux arbres touchés, au toboggan, à la balançoire. Au trampoline, là, je peux pas y jouer parce que papa il a pas réparé. Elle est là, Luna. Bonjour, Luna. Alors, Luna, elle a 18 mois. Très bien, papa. Papa, il est dehors. Papa, allez, vite. Oh, j'ai une bonne chose. Là, tu parles Dis-lui de bonjour, papa. mademoiselle. Et là, il entend pas. Là, Luna, elle fait n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Et papa, il est là. Je ne m'occupe pas. Milan? Dans ma journée, j'étais à Brosso Brabs. Est-ce qu'il te manque tes copains? Oui, répète. Est-ce que tes copains, ils te manquent? Ouais, toi. Demande à Lou à qui elle a parlé comme copain. Je ne sais pas. T'as parlé de quelle personne? Les copains, t'as parlé de quel prénom? Raphaël et Noé. Maro? Et dis-lui que toi, c'est le premier copain que tu appelles, Milan. C'est le premier de tes copains. C'est le premier de mes copains. En fait, Lou, elle a appelé les copains d'Élie pour l'instant, mais elle n'a pas encore pu avoir beaucoup de ses copains à elle. T'es le premier qu'elle appelle, Milan. Bah, c'est le premier copain qui est à Lou au téléphone. Ouais, il m'appelle à Louis. Milan, en fait, là, tu es en train de t'enregistrer dans un micro. Tu vas t'entendre demain. Il dit quoi? Il enverra le lien pour qu'on vous écoute. Qu'est-ce que tu fais? J'écris un livre. Boucle bleue, les trois sorcières. Boucle d'or et les trois ours. Et Milan, tu as fait quoi toi ce matin avec les étiquettes? Je les ai disposées. Tu as disposé sur quoi? Sur les prix de ma classe. Sur les dates, Manon et Disney. Disney, il est tout de bon. Gaspard! Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous discuter avec ton voisin? Tu leur dis quoi, Sophie et Marie? Au revoir. Au revoir. Au revoir, Milan. Au revoir, Milan. Au revoir, Luna. Au revoir. Au revoir. Elle était sympa et rigolade, cette interview. Et il est cool, Milan. Ouais, et sa petite sœur aussi. Bon, ça t'a plu? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est le... Mardi. Mardi, t'es sûr? Le week-end. C'est le week-end. Et qu'est-ce qu'on fait le week-end? On se repose. Et donc, il n'y a pas de devoir aujourd'hui? Non. Pas de devoir, ça c'est cool. Ça fait du bien un petit peu. Ouais. Bon alors, il y a autre chose aujourd'hui. Alors, c'est papa qui va le dire parce que toi, tu le sais pas encore, mais tu verras quand tu écouteras le podcast. Maintenant, on a une petite musique au début, une petite musique à la fin. Ça s'appelle un... jingle. C'est les éditions du Hibou qui nous ont autorisé à l'utiliser pendant la période de notre podcast, gratuitement, pour faire un peu plus joli dans notre podcast. C'est sympa. Ouais. Ah bon, on leur dit merci ? Merci ! T'as autre chose à dire ? Non. On dit au revoir à tout le monde ? Au revoir tout le monde ! À demain ! À demain ! Avec Ellie demain.